Chapitre 6e. Le lendemain, 27 mars, le Great Eastern prolongeait par tribord la côte accidentée de l'Irlande. J'avais choisi ma cabine à l'avant sur le premier rang en abord. C'était une petite chambre, bien éclairée par de larges hublots. Une seconde rangée de cabines la séparait du premier salon de l'avant, de telle sorte que ni le bruit des conversations ni le fracas des pianos, qui ne manquaient pas à bord, n'y pouvaient parvenir. C'était une cabane isolée à l'extrémité d'un faubourg. Un canapé, une couchette, une toilette la meublaient suffisamment. À 7 heures du matin, après avoir traversé les deux premières salles, j'arrivai sur le pont. Quelques passagers arpentaient déjà les roufles. Un roulis presque insensible balançait légèrement le steamer. Le vent, cependant, soufflait en grande brise, mais la mer, couverte par la côte, ne pouvait se faire. Néanmoins, j'augurais bien de l'indifférence de Great Eastern. Arrivé sur la dunette de la smoking room, j'aperçus cette longue étendue de côte élégamment profilée, à laquelle son éternelle verdure a valu d'être nommée côte d'émeraude. Quelques maisons solitaires, le lacet d'une route de douaniers, un panache de vapeur blanche marquant le passage d'un train entre deux collines, un sémaphore isolé faisant des gestes grimaçants aux navires du large, l'animaient çà et là. Entre la côte et nous, la mer présentait une nuance d'un vert sale, comme une plaque irrégulièrement tachée de sulfate de cuivre. Le vent tendait encore à fraîchir. Quelques embruns bolaient comme une poussière. De nombreux bâtiments, briques ou goélettes, cherchaient à s'élever de la terre. Des steamers passaient en crachant leur fumée noire. Le Great Eastern, bien qu'il ne fût pas encore animé d'une grande vitesse, les distançait sans peine. Bientôt, nous eûmes connaissance de Queenstown, petit port de relâche, devant lequel manœuvrait une flottille de pêcheurs. C'était là que tout navire, venant de l'Amérique ou des mers du Sud, bateau à vapeur ou bateau à voile, transatlantique ou bâtiment de commerce, jette en passant ses sacs à dépêche. Un express, toujours en pression, les emporte à Dublin en quelques heures. Là, un paquebot, toujours fumant, un steamer pur sang, tout en machine, vrai fuseau à roues qui passe au travers des lames, bateau de course autrement utile que gladiateur ou fidelaire, prend ses lettres, et traversant le détroit avec une vitesse de 18 000 à l'heure, il les dépose à Liverpool. Les dépêches, ainsi entraînées, gagnent un jour sur les plus rapides transatlantiques. Vers 9 heures, le Great Eastern remonta d'un quart dans l'ouest-nord-ouest. Je venais de descendre sur le pont lorsque je fus rejoint par le capitaine McElwain. Un de ses amis l'accompagnait, un homme de 6 pieds, à barbe blonde, dont les longues moustaches, perdues au milieu des favoris, laissaient le menton à découvert, suivant la mode du jour. Ce grand garçon présentait le type de l'officier anglais. Il avait la tête haute, mais sans raideur, le regard assuré, les épaules dégagées, aisant ses libertés dans sa marche, en un mot, tous les symptômes de ce courage si rare qu'on peut appeler le courage sans colère. Je ne me trompais pas sur sa profession. « Mon ami Archibald Corsican, me dit Fabian, comme moi, capitaine au 22e régiment de l'armée des Indes. » Ainsi présenté, le capitaine Corsican et moi nous saluâmes. « C'est à peine si nous nous sommes vus hier, mon cher Fabian, dis-je au capitaine McElwain, dont je serrai la main. Nous étions dans le coup de feu du départ. » Je sais seulement que ce n'est point au hasard que je dois de vous rencontrer à bord du Great Eastern. J'avoue que si je suis pour quelque chose dans la décision que vous avez prise, sans doute, mon cher camarade, me répondit Fabian. Le capitaine Corsican et moi, nous arrivions à Liverpool avec l'intention de prendre passage à bord du China, de la ligne Cunard, quand nous apprîmes que le Great Eastern allait tenter une nouvelle traversée entre l'Angleterre et l'Amérique. C'était une occasion. J'appris que vous étiez à bord. C'était un plaisir. Nous ne nous étions pas revus depuis 3 ans, depuis notre beau voyage dans les États scandinaves. Je n'hésitais pas, et voilà pourquoi le Tender nous a déposés hier en votre présence. Mon cher Fabian, répondis-je, je crois que ni le capitaine Corsican ni vous ne regretterez votre décision. Une traversée de l'Atlantique sur ce grand bateau ne peut manquer d'être fort intéressante, même pour vous, si peu marin que vous soyez. Il faut avoir vu cela. Mais parlons de vous. Votre dernière lettre, il n'a pas 6 semaines de date, portait le timbre de Bombay. j'avais le droit de vous croire encore à votre régiment. Nous y étions il y a 3 semaines, répondit Fabian. Nous y menions cette existence moitié militaire, moitié campagnarde des officiers indiens, pendant lesquels on fait plus de chasse que de razzia. Je vous présente même le capitaine Archibald comme un grand destructeur de tigres. C'est la terreur des jungles. Cependant, bien que nous soyons garçons et sans famille, l'envie nous a pris de laisser un peu de repos à ces pauvres carnassiers de la péninsule et de venir respirer quelques molécules de l'air européen. Nous avons obtenu un congé d'un an et aussitôt, par la mer Rouge, par Suez, par la France, nous sommes arrivés avec la rapidité d'un express dans notre vieille Angleterre. « Notre vieille Angleterre !» répondit en souriant le capitaine Corsican. « Nous n'y sommes déjà plus, Fabian. C'est un navire anglais qui nous emporte, mais il est affrété par une compagnie française et il nous conduit en Amérique. 3 pavillons différents flottent sur notre tête et prouvent que nous foulons du pied un sol franco-anglo-américain. « Qu'importe !» répondit Fabian, dont le front se rida un instant sous une impression douloureuse. « Qu'importe, pourvu que notre congé se passe. Il nous faut du mouvement. » C'est la vie. Il est si bon d'oublier le passé et de tuer le présent par le renouvellement des choses autour de soi. Dans 2 jours, nous serons à New York, où j'embrasserai ma sœur et ses enfants que je n'ai pas vus depuis 2 années. Puis nous visiterons les grands lacs. Nous redescendrons le Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Nous ferons une battue sur l'Amazon. De l'Amérique, nous sauterons en Afrique, où les lions et les éléphants se sont donné rendez-vous au Cap pour fêter l'arrivée du capitaine Corsican. Et de là, nous reviendrons à imposer aux cipayes les volontés de la métropole. » Fabian parlait avec une volubilité nerveuse et sa poitrine se gonflait de soupirs. Il y avait évidemment dans sa vie un malheur que j'ignorais encore et que ses lettres mêmes ne m'avaient pas laissé pressentir. Archibald Corsican me parut être au courant de cette situation. Il montrait une très vive amitié pour Fabian, plus jeune que lui, de 2 années. Il semblait être le frère aîné de McElwain, ce grand capitaine anglais, dont le dévouement, à l'occasion, pouvait être porté jusqu'à l'héroïsme. En ce moment, notre conversation fut interrompue. La trompette retentit à bord. C'était un steward joufflu qui annonçait, 1 quart d'heure d'avance, le lunch de 12h30. 4 fois par jour, à la grande satisfaction des passagers, ce rocornet résonnait ainsi. À 8h30 pour le déjeuner, à 12h30 pour le lunch, à 4h pour le dîner, à 7h30 pour le thé. En peu d'instants, les longs boulevards furent déserts, et bientôt tous les convives étaient attablés dans les vastes salons où je parvins à me placer près de Fabian et du capitaine Corsican. 4 rangs de table meublaient ces salles à manger. Au-dessus, les verres et les bouteilles, disposés sur leurs planchets de roulis, gardaient une immobilité et une perpendicularité parfaites. Le steamship ne ressentait aucunement les ondulations de la houle. Les convives, hommes, femmes ou enfants, pouvaient luncher sans crainte. Les plats, finement préparés, circulaient. De nombreux stewards s'empressaient à servir. À la demande de chacun, mentionnés sur une petite carte ad hoc, ils fournissaient les vins, liqueurs ou ale, qui faisaient l'objet d'un compte à part. Entre tous, les Californiens se distinguaient par leur aptitude à boire du champagne. Il y avait là, près de son mari, ancien douanier, une blanchisseuse enrichie dans les lavages de San Francisco qui buvait du cliquot à $3 la bouteille. 2 ou 3 jeunes messieurs, frêles et pâles, déboraient des tranches de bœuf saignant. De longues mistresses à défense d'ivoire vidaient dans leurs petits verres le contenu de 9 à la coque. D'autres dégustaient avec une évidente satisfaction les tartes à la rhubarbe ou les céleris du dessert. Chacun fonctionnait avec entrain. On se serait cru dans un restaurant des boulevards, en plein Paris, non en plein océan. Le lunch terminé, les roufles se peuplèrent de nouveau. Les gens se saluaient au passage ou s'abordaient comme des promeneurs de Hyde Park. Les enfants jouaient, couraient, lançaient leurs ballons, poussaient leurs cerceaux, ainsi qu'ils l'eussent fait sur le sable des Tuileries. La plupart des hommes fumaient en se promenant. Les dames, assises sur des pliants, travaillaient, lisaient ou cousaient ensemble. Les gouvernantes et les bonnes surveillaient les bébés. Quelques gros Américains pansus se balançaient sur leurs chaises à bascule. Les officiers du bord allaient et venaient, les uns faisant leur quart sur les passerelles et surveillant le compas, les autres répondant aux questions souvent ridicules des passagers. On entendait aussi, à travers les accalmies de la brise, les sons d'un orgue placé dans le grand roufle de l'arrière, et les accords de deux ou trois pianos Pleyel qui se faisaient une déplorable concurrence dans les salons inférieurs. Vers 3 heures, de bruyants hurrahs éclatèrent. Les passagers envahirent les dunettes. Le Great Eastern rangeait à 2 encablures un paquebot qu'il avait gagné main sur main. C'était le Propontis, faisant route sur New York, qui salua le géant des mers en passant, et le géant des mers lui rendit son salut. À 4h30, la terre était toujours en vue, et nous restait à 3 milles sur tribord. On la voyait à peine à travers les embruns d'un grain qui s'était subitement déclaré. Bientôt un feu apparut. C'était le phare de Fastnet, placé sur un roc isolé, et la nuit ne tarda pas à se faire, pendant laquelle nous devions doubler le Cap Clear, dernière pointe avancée de la côte d'Irlande.